Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Pourquoi le sentiment s'est-il ancré en moi de bonheur que, si le voyage seul, le voyage sans idée de retour, ouvre pour nous les portes et peut changer vraiment notre vie, un sortilège plus caché, qui s'apparente au maniement de la baguette du sourcier, se lie à la promenade entre toutes préférées, à l'excursion sans aventure et sans imprévu qui nous ramène en quelques heures à notre point d'attache, à la clôture de la maison familière. C'est par ces mots que s'ouvrent les eaux étroites, texte de Julien Gracq paru en 1976. Cette promenade entre toutes préférées, cette excursion sans aventure, se déroule le long de l'Èvre, un petit affluent méconnu de la Loire, situé au cœur de la Vendée angevine. Le 28 mars 1977, Jean Dève interrogeait l'écrivain sur les ressorts, la construction et les sources intimes de ce récit qui fait se rencontrer littérature et géographie. Les eaux étroites est un livre qui semble vouloir faire le récit d'une promenade qui devient très vite initiatique. Comment en circonscrire la fiction ? Il faudrait s'entendre sur le sens du mot initiatique. Ce qui me frappe si je relis ce texte, c'est combien je suis dépendant, enfin, comme beaucoup de Français, d'un rythme qui est pris au temps scolaire, au fond, qui est celui de l'alternance entre le travail, les vacances. Les vacances qui sont à la fois un temps privilégié, parce que c'est le temps du loisir, mais qui sont aussi un espace privilégié souvent, en tout cas pour moi, parce que je m'en allais. J'allais au bord de la mer, j'ai pas de souvenir d'une période où, enfin, je ne remonte pas au-delà de cette période où j'allais déjà au bord de la mer pendant les vacances. Alors, ce temps des vacances, je crois que ça prend un caractère obsédant. Mes souvenirs ne remontent pas au-delà d'une période où j'avais des vacances. Ce sont des périodes où on fait des expériences passionnantes, comme ça c'est un temps qui est un peu merveilleux, mais qui donne lieu un petit peu à un sentiment de frustration, parce qu'il est court, et puis après on en revient au banal et au travail quotidien. Et alors je pense que ce sentiment de frustration, si vous voulez, explique ce caractère un peu initiatique des expériences qu'on peut avoir à ce moment-là. Ce sont des commencements dont on a le pressentiment ou l'espoir que la vie les développera plus tard, enfin, ou leur donnera leur plénitude. Au fond, initiatique, c'est initium, c'est un commencement. Ce sont des commencements, si vous voulez, des commencements d'expériences affectives, émotives, si vous voulez, qui prennent racine dans l'enfance, dans ce temps de loisir, mais qui annoncent quelque chose qui se développera plus tard. Il ne faut pas donner à initiatique un sens occulte, évidemment. Rien d'autre que ça, mais pour moi, c'est important. Oui, en fait, ce texte, il est un peu ambigu. Ce n'est pas un procès verbal, bien entendu, puisqu'il aurait fallu pour ça qu'il soit décrit à la période de l'enfance, puisqu'au fond, il se rapporte à une période d'enfance. Il est un peu bâtard, si vous voulez, il est un peu ambigu, en ce sens qu'on s'y place à un double point de vue, c'est-à-dire que, d'une part, l'expérience qui est venue plus tard, si vous voulez, ayant confirmé ces commencements ou ces pressentiments dont je parlais tout à l'heure, bien entendu, on en tient compte. Et puis, on est tenté d'enrichir, forcément en écrivant les souvenirs d'enfance de ce qui les a confirmés par la suite. Et puis, on est tenté aussi de voir, si vous voulez, les expériences de l'âge mûr à travers un éclairage d'enfance, bien sûr. Il y a un mouvement de va-et-vient ici qui est un petit peu ambigu, c'est forcé. C'est en sens, on peut dire que ce livre est une fiction. C'est tout de même, d'une certaine manière, une reconstruction. C'est tout à fait certain. Ça, j'en suis parfaitement conscient. Mais de quoi est faite, justement, cette reconstruction ? Eh bien, de ce que je vous dis, vous savez, il n'y a pas dans ce livre d'invention. Enfin, je veux dire que je cherche certainement à me placer le plus fidèlement possible dans la situation qui était celle d'un enfant faisant cette promenade, qui avait un caractère rituel et dont je connais très bien les étapes. Mais je voulais vous demander, très vite, le récit initiatique se complique. Je veux dire qu'à un moment donné, et même tout au long du récit, la mémoire ça a une très grande place. Le récit est à base de mémoire. Bien entendu, ce sont des souvenirs déformés, comme ils doivent l'être quand il s'agit de souvenirs d'enfance repris dans l'âge mûr. Mais il y a effectivement, ce qui peut vous surprendre, c'est peut-être à ça que vous faites allusion, il y a des allusions assez développées à des écrivains, oui, et puis il y a aussi ce qu'on pourrait appeler des réflexions, enfin, qui évoluent plutôt dans la direction de l'essai, un peu. En fait, les écrivains qui interviennent, moi, qui sont évoqués dans ce livre, ça me paraît venir d'une façon assez naturelle. Vous savez, dans ce livre, j'ai procédé non pas par plan, mais par association très lâche et très libre. C'est-à-dire que j'ai écrit ce qui venait, réflexion, souvenir, développement au fil de la plume. En prenant simplement comme base, tout de même très strict, l'échelonnement du temps. Parce que cette promenade, je l'ai faite souvent, elle avait un caractère rituel. Et l'anticipation de ce qui va venir, de l'étape suivante, ajoute beaucoup au plaisir, une chose comme ça, d'une promenade qui est faite d'une manière rituelle. D'une manière générale, d'ailleurs, il m'est impossible, je dois dire, si j'écris une fiction, de procéder autrement qu'en suivant l'écoulement du temps, enfin, rigoureusement. Tout ce qui est remis en question de l'écoulement du temps m'est impossible. Je suis très sensible à cette direction d'écoulement irréversible, si vous voulez. Et là, bien entendu, ça s'imposait. Mais alors, il y a en effet ce qu'on peut appeler des digressions. Pourquoi est-ce que ces écrivains sont évoqués ? Poe, c'est un écrivain que j'ai lu très tôt. D'abord, il est mêlé presque à des souvenirs d'enfance, parce que c'est vraiment des écrivains, vraiment écrivains. Mettons un peu à la part Jules Verne, si vous voulez, que j'ai vu avant, que je trouve qu'un grand écrivain, mais enfin qui n'appartient pas tout à fait à la littérature. C'est le premier écrivain que j'ai lu très tôt, j'avais peut-être 11 ans. Ouais. Et il est mêlé à cette affaire parce que, par un élément matériel, enfin qui est toujours présent chez Poe, qui est l'eau. L'eau stagnante en particulier, qui joue un rôle absolument déterminant dans presque tous ses livres. Alors, il est normal que Poe, évidemment, soit appelé là par l'élément dominant de cette promenade. Nerval aussi. Il y a toutes sortes d'éléments ici qui sont faits pour évoquer Nerval. Il y a le château Louis XIII, bien entendu, il y a la petite rivière. Rappelez-vous les petites rivières du Valois, la Thève, la Nonette, enfin, qui circulent dans Sylvie ou dans les livres de Nerval. La prairie, le souvenir évidemment lointain, comme ça, la prairie embrumée. Tout ça, bien entendu, était fait pour évoquer Nerval. Et puis Nerval est quelqu'un qui m'est infiniment proche, bien entendu. Comme ça. Et comme Poe, il est un petit peu mêlé assez facilement à mes réflexions quand elles vont dans le sens de la poésie. Mais Balzac, c'est un petit peu autre chose. Balzac, il y a un long développement, enfin assez long pour le livre sur les chouans. Ça tient alors au caractère du paysage. C'est pas tout à fait gratuit, enfin, comme on peut le penser. Le pays où circule l'Èvre, qui est le pays où je suis né, c'est ce qu'on appelle la Vendée angevine, ce sont les Mauges. C'est un pays assez curieux en sens qu'il est très banal. Au fond, il n'y a pas de passé. Il n'y a pas de passé et il n'avait même pas de nom jusqu'à la Révolution. C'était une espèce de marge, du bocage entre le Poitou et la Bretagne. Ça s'appelait le Bas-Poitou. Ça n'avait pas d'autre nom, d'ailleurs, au moment de la Révolution. Et assez curieusement, enfin, je crois que c'est un écrivain vendéen qui a dit ça assez joliment, c'est le seul département, la Vendée, qui soit devenu province. C'est exact parce qu'elle n'a pris d'existence à la suite d'un événement historique, qui est le soulèvement vendéen, qu'après 1789. Et au fond, c'est un peu un paysage histoire, si vous voulez. C'est un paysage dont la révélation, si vous voulez, est liée à un événement historique qui lui a un peu donné une personnalité. Et évidemment, c'est la guerre de Vendée et le mouvement Chouan. Parler du jeu d'échecs à partir de Monsieur Test, d'ailleurs. Oui. Le jeu d'échecs est une chose qui a tenu beaucoup de place pour moi dans la vie, probablement beaucoup trop, parce que c'est une passion, d'une certaine manière. Oui, c'est une passion. J'ai lu beaucoup sur les échecs. J'ai une bibliothèque. Même, je suis un lecteur de parties d'échecs plutôt qu'un joueur, parce que je ne suis pas doué du tout pour jouer. Il y a certaines qualités qui me manquent. En particulier l'imagination visuelle des coups, qui est très importante. Mais c'est une chose qui m'a toujours passionné. Et, contrairement à ce qu'on imagine, le jeu d'échecs n'est pas une science. Enfin, je veux dire, il ne se dirige pas du côté de la science. Bien qu'on essaie de faire jouer des ordinateurs actuellement, ils jouent pas mal. Enfin, on leur donne une mémoire. Ça, c'est... Mais ils jouent, pour l'instant, au niveau d'un bon joueur de seconde catégorie. En réalité, le jeu d'échecs penche plutôt, quand il s'agit de très grands joueurs, penche plutôt du côté de l'art que du côté de la science. Et il y a un fait très curieux qui se produit dans le jeu d'échecs, c'est que le style personnel, apparaît à un très haut niveau, c'est-à-dire seulement chez les très grands joueurs. C'est-à-dire là où il devrait disparaître, puisque pratiquement le grand joueur doit approcher de la perfection, c'est-à-dire de l'anonymat, en somme. Or, précisément, c'est là que la personnalité apparaît et s'accuse. C'est au niveau de la quasi-perfection, enfin du très haut niveau. C'est par là que ça me passionne. C'est quelque chose qui oscille entre l'approche scientifique, parce que tout de même, c'est un jeu qui a pour base le raisonnement, mais qui a aussi incontestablement un caractère... disons artistiques, enfin, les Russes d'ailleurs qui sont les grands maîtres du jeu en ce moment, parlent de la création échiquéenne de leurs grands joueurs, enfin Botvinnik autre. Oui. C'est nettement du côté alors de l'art, des beaux-arts. Alors ça m'a intéressé par là parce que la réflexion sur la littérature n'est pas absolument séparée pour moi de la réflexion sur un jeu comme le jeu d'échecs. Seulement alors, le jeu d'échecs présente ici quelque chose d'exceptionnel, c'est que à l'époque où on parle de science, de la littérature, enfin où elle est encore tout de même à ses débuts, on est très loin d'arriver à maîtriser, en matière d'échecs, il y a une approximation déjà beaucoup plus poussée et beaucoup plus grande des règles, enfin tout de même de la façon, ou de la manière dont on pourrait envisager de jouer d'une manière parfaite aux échecs. Alors là, c'est assez intéressant, parce qu'on est au stade de l'ordinateur. C'est beaucoup plus avancé que pour ce qui est de la confection d'un texte littéraire. Cette page m'a beaucoup frappé parce que, au fur et à mesure que je lisais, que j'ai découvert ce livre, il me semblait que la construction du livre ressemblait à celle d'un échiquier. Ah, c'est beaucoup dire. Vous savez, je ne me suis pas du tout préoccupé de construction dans ce livre. C'est la liberté d'association qui était la règle. Enfin, une image déclenchant une idée, ou inversement. Et vous savez, nous parlions de fiction tout à l'heure à propos de ce livre, mais la fiction et l'essai ou la réflexion, ce sont des choses qui sont assez naturellement mêlées. Si vous prenez l'histoire du roman, par exemple, puisque la fiction, par essence, c'est le roman, la grande période qui est le 19e siècle, il y a eu une très courte période où le roman existe à l'état pur, c'est-à-dire débarrassé des éléments non romanesques. C'est le cas chez Stendhal, bien que Stendhal fasse quelquefois quelques courtes réflexions incidentes. C'est le cas chez Flaubert aussi, qui est tout de même pur romancier. Mais si on remonte à Balzac, Balzac est le type du romancier dont les romans sont constamment entremêlés de décès ou de débuts d'essais. Il y a constamment dans un roman de Balzac des digressions qui vont entre une demi-page et 50 pages sur la politique, les salons, les femmes, l'architecture, la société, la paysannerie. Il y a une quantité d'essais qui sont entremêlés. Et sitôt après, d'ailleurs, cette grande période, si vous allez jusqu'à Proust, alors Proust est un mélange inextricable d'éléments romanesques et d'essais, de réflexions, d'éléments de romans qui se prolongent en réflexion ou de réflexions qui ramènent des souvenirs concrets. Hein. C'est un mélange inextricable. Je crois que le roman et la fiction accueillent très bien ces éléments, si vous voulez, intellectuels. Et alors ici, je dirais même, le souvenir, qui est la base, si vous voulez, de ce petit récit, le souvenir s'accommode mieux du passage à un élément de réflexion. Mieux que la fiction pure. Parce que la fiction, c'est une espèce de déversement dans l'avenir. Comme ça, enfin, on se précipite dans l'avenir, on invente. Mais le souvenir est un va-et-vient continuel entre le passé et le présent qui sert de contrôle. Et par conséquent, je crois que ça incline davantage à la réflexion, si vous voulez, à la réflexion critique, probablement. C'est comme ça que je vois la chose, en tout cas, oui. Un tracé pyrotechnique zigzague au travers du monde assoupi et le sillonne en suivant, en éclair, les clivages secrets qui, année après année, d'une expérience, d'une lecture, d'une rencontre essentielle à une autre, l'ont marqué pour toujours à mon chiffre personnel. Le mot, enfin la formule chiffre personnel m'a beaucoup frappé. Enfin, à quoi renvoie-t-il ? Vous savez, je crois que un écrivain, enfin, nous aurons sans doute l'occasion de parler de l'imagination romanesque ou autre, un écrivain est tenu probablement, enfin, à quelques centres imaginatifs moteurs, enfin, dominants comme ça, mais assez peu nombreux. Je veux dire qu'il a un registre de souvenirs vraiment vivants, si vous voulez, ou de thèmes imaginatifs vraiment animés, qui est assez restreint. Et ce qui s'anime chez lui à une lecture, à une rencontre, si vous voulez, à un choc émotif quelconque, ce n'est pas une impression qui serait docile à ce choc initial, c'est toujours son système à lui, si vous voulez, son système d'association, son système moteur qui se réanime. Oui. C'est en sens, je crois, que j'ai écrit ce passage. Enfin, c'était l'idée dominante, certainement, que j'avais en l'écrivant. Oui. Je pense que dans l'écrivain, probablement c'est le cas pour tout artiste, il n'y a pas de correspondance régulière ou prévisible entre le choc qui est donné, qui donne l'impulsion, et le résultat. En réalité, il reçoit, s'il a une émotion quelconque, il reçoit une impulsion motrice qui l'amène à parcourir, à reparcourir ses chemins personnels, en réalité, des chemins déjà tracés, et dont les étapes sont déjà tracées. Naturellement, ça se fait d'une manière tout à fait différente chaque fois, avec une grande variété. Mais en réalité, il est rétif, si vous voulez, à l'impulsion qui lui est donnée. Il s'en sert uniquement comme moteur, si vous voulez, pour parcourir ses chemins familiers ou les reparcourir. C'est en ce sens, je crois, que j'ai écrit ce passage. D'ailleurs, plus loin, vous employez une formule que je trouve très belle à propos de votre récit. Vous parlez d'un montage libre du film mental. Et j'y voyais quelques rapports avec le chiffre personnel. Oui, mais bien sûr, en écrivant ce livre, et probablement en l'écrivant d'une façon très desserrée, je vous le disais, c'est-à-dire qu'il y avait un canevas inévitable qui était les étapes de la promenade, que je me rappelle bien, il est bien évident que ici le film familier, enfin les enchaînements familiers d'images, se dessinent beaucoup plus facilement, justement, à l'occasion de cette liberté. Mais ce montage du film mental, en réalité, il est toujours orienté, à mon avis. Et pour chacun, il est fonction de ce que j'appelle les centres moteurs de la sensibilité ou l'émotion, de l'imagination. Question de la promenade dans vos livres, de la promenade en renvoyant à l'imagination. Par quoi est-elle motivée ? Dans mes livres, je pense, si on les compare à la moyenne des romans, il est certain qu'on vit beaucoup plus en plein air que dans les romans habituellement. La littérature que j'écris est une littérature qui n'est pas urbaine, c'est un fait. J'ai une sympathie d'ailleurs, je sais, pour les écrivains qui ne sont pas très fréquents, avec qui je me sens en sympathie. De ce côté, je pense à Junger, par exemple, dont les livres sont des livres où la ville ne tient pas de place non plus, qui sont écrits en dehors de la ville, pas forcément à la campagne, mais dans l'isolement, en voyage, dans la solitude, dans des chasses aux insectes, quelquefois chez Junger, mais en tout cas hors du cadre de la ville. La littérature, depuis déjà pas mal de temps, est une littérature qui, pour moi, je suis très sensible à ça, quoique généralement on y est tellement habitué qu'on finit par ne pas le remarquer, c'est une littérature où l'individu est façonné, pratiquement orienté et même fabriqué par le milieu social, par des contacts sociaux. En réalité, il y a bien entendu ce milieu social, je suis très loin de le nier, je ne suis quand même pas un solitaire complet, mais il y a aussi pour l'homme, enfin c'est pourquoi j'ai pris cette expression qui ne m'appartient pas, elle est très ancienne, seulement elle a été prise dans des sens très différents, de plante humaine. L'homme est quelqu'un qui vit dans un milieu matériel aussi. Enfin non seulement il respire bien entendu, mais il est tributaire de la terre sur laquelle il vit et à mon avis, j'ai le sentiment, c'est pas un avis, c'est un sentiment que j'ai très fort, qu'il vit dans un contact continuel, une espèce de symbiose, si vous voulez, avec la nature, avec l'air, avec le climat, le temps qu'il fait, avec la terre sur laquelle il se déplace ou qu'il habite. Et alors, il est très évident que ce qui surprend des gens dans mes livres, parce que c'est assez peu fréquent, c'est que cet élément qui va de soi, qu'on laisse de côté d'habitude, parce que ce n'est pas intéressant, ça va de soi, que l'homme respire, se déplace et vit sur la terre. Et pour moi, c'est une chose qui est d'une extrême variété, en réalité, qui change beaucoup, qui donc a un intérêt même quelquefois dramatique et qui mérite d'être reconnu, non pas étudié, je n'aime pas beaucoup le mot, mais enfin qui exige qu'on en fasse état. J'en fais état constamment et il est absolument naturel pour moi qu'un personnage dans un roman soit tributaire entièrement, pas entièrement, mais enfin très largement du milieu où il vit, de l'endroit qu'il habite, du voyage qu'il effectue. Naturellement, il y a cette attitude qui est une attitude instinctive. Il y a aussi le fait que j'ai une formation, disons qu'il y a une formation de géographe. J'ai fait des études de géographie, j'ai fait une agrégation d'histoire et de géographie, mais j'étais spécialiste, disons, j'ai surtout fait de la géographie physique avec De Marton, qui était mon professeur. La géographie physique, bien entendu, ajoute quelque chose à ça. Je veux dire que un géographe a l'habitude de voir un paysage comme tout de même le résultat de facteurs qu'il connaît bien. Il y a l'orogénie, la force qui glissement qui forme les montagnes, le soulèvement, il y a l'érosion qui détruit en même temps, c'est un équilibre entre les deux. Et puis, il y a une structure géologique qui donne au paysage un style qui est immédiatement reconnaissable. Quand on a donc fait de la géographie, ce qui est mon cas, on n'est pas plus sensible qu'un autre au charme d'un paysage. N'importe qui peut être sensible de manière même très subtile au charme d'un paysage. Mais je dirais tout de même qu'on voit beaucoup mieux la physionomie. On en voit la physionomie, c'est-à-dire qu'on dégage très rapidement les traits, traits qui sont concordants, comme ça, et qui donnent un paysage, un style particulier, une espèce d'expression. Je pense que ça se voit dans mes livres, probablement, enfin, ça sont des déformations professionnelles, ça se reconnaît, probablement les gens qui ont fait de la géographie me le disent, je le crois volontiers. Mais je pense que, quand j'écris un livre, je n'ai pas pour but de faire de la géographie, d'étudier comment les hommes sont modifiés, si vous voulez, par leur appartenance au milieu. Ça, c'est de la science et ça ne m'intéresse pas. Quand j'écris, c'est tout autre chose. Je crois que j'ai cette formation de géographe dont je ne me défais pas. Et puis, j'ai toujours eu ce sentiment qui est primitif, comme ça, instinctif, du lien de l'homme avec le milieu, l'environnement, si vous voulez, dans lequel il vit. C'est comme ça, je crois, qu'il faudrait poser les rapports avec la géographie. Je souhaite un peu que les personnages, chez moi, aient une espèce de transparence, c'est-à-dire qu'on voit à travers le fond sur lequel ils se déplacent. Et pour cette raison, il est bien évident qu'il y a des choses aussi dont ils sont dépourvus, enfin, je veux dire, des choses sur lesquelles je ne m'interroge pas à leur sujet, c'est-à-dire la psychologie. Psychologie classique est une chose qui n'a pas beaucoup de place dans mes livres, la morale non plus. Enfin, je veux dire que non pas que la morale ne me préoccupe pas, mais enfin, c'est une chose qui n'intervient pas dans mes personnages. Il y a beaucoup de choses auxquelles on s'intéresse dans la vie, d'ailleurs, et qui ne passent pas dans les choses romanesques, parce que je suis persuadé que dans l'art, il y a un filtre, il y a des éléments très importants qui ne passent pas, parce qu'ils ne sont pas incorporables à ce qu'on fait, et puis il y a ceux qui passent. Par exemple, il n'y a pas de psychologie dans mes livres et il n'y a pas de relations sociales. Beaucoup non plus, les personnages sont pris dans l'isolement. Ce qui, d'ailleurs, peut donner une idée tout à fait fausse de ce qu'est ma vie. La famille, par exemple, qui n'existe pas dans mes livres, enfin, les personnages sont des isolés, est une chose qui a été pour moi très importante et très bénéfique. Je n'ai jamais eu de problèmes familiaux. Mais sans doute que les familles heureuses n'ont pas d'histoire. Et en tout cas, ça ne passe pas dans mes livres, il n'en est pas question. Il n'est pas question de psychologie, il n'est pas question de morale non plus. Ce qui passe instinctivement, quand je m'occupe des personnages, ce sont des éléments qui ne touchent pas à la psychologie habituelle. Je suis beaucoup plus sensible, par exemple, chez d'autres écrivains, aux métaphores qui cherchent à caractériser les personnages et qui viennent soit de la chimie, je pense aux affinités électives de Goethe, par exemple, soit de l'électricité, le magnétisme, par exemple. Alors ça, ce sont des notions qui me sont familières, et les personnages obéissent beaucoup plus, il me semble, dans mes livres, à ces attractions, à ces affinités électives, ou bien à ces attractions et répulsions qui sont de la nature de l'électricité et du magnétisme. Quelqu'un comme Breton était extrêmement sensible à cet aspect des choses, je l'ai relevé, je me souviens dans le livre que j'ai écrit sur lui. Mais j'y suis moi-même extrêmement sensible. Alors que le mécanisme de la psychologie classique, enfin, j'adore Stendhal, je trouve ça merveilleux, mais je pense que c'est une création pure de nature poétique. Je ne crois pas beaucoup, si vous voulez, au mécanisme de la psychologie classique. Je crois qu'ils sont inventés, imité ensuite par les lecteurs, d'ailleurs, parce que c'est souvent la psychologie du roman qui crée la psychologie des gens, et un peu de nature poétique, c'est en ça qui m'intéresse. Je n'y crois pas tellement. Vous venez d'entendre un entretien de Julien Gracq mené par Jean Dève et diffusé pour la première fois sur France Culture le 28 mars 1977. Vous pouvez le réécouter ou le télécharger en ligne sur le site franceculture.fr à la page des nuits.